Moi, c'est Rémi. L'année dernière, j'ai arrêté de fumer. C'était un vrai défi. Hein. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai réussi. Si j'ai tenu bon, c'est surtout grâce à Tabac Info Service. Au 3989, un tabacologue m'a accompagné par téléphone. Et c'est vrai que les conseils et le soutien d'un spécialiste de l'arrêt du tabac, bah, ça aide vraiment. Quoi. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagné. Alors vous aussi, appelez le 3989. Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Service gratuit plus prix de l'appel. Un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Il avait le goût de la politique. Il n'a jamais joué aucun rôle politique. Il n'a pas eu d'ambition politique. C'est un observateur, un spectateur de son temps, intéressé par la politique et appliquant à la politique des curiosités qui nous paraissent très actuelles aujourd'hui. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Bonjour. Au sujet de l'homme dont nous allons parler aujourd'hui, Paul Valéry disait qu'il se demandait ce qui l'étonnait le plus en lui, de l'érudition immense ou de l'imagination des idées, toutes deux prodigieuses. Et Henri Bergson, je cite, que son œuvre était unique en son genre, intuitive autant qu'intelligente, créatrice autant qu'informatrice, synthèse vivante des connaissances les plus variées et de tous les jaillissements de la pensée. Le personnage célébré de si flatteuse façon, c'était Albert Thibaudet, un auteur dont la figure et les écrits ont marqué le monde littéraire, intellectuel et politique du premier tiers du XXe siècle, à la rencontre de la critique littéraire, de l'histoire des cultures civiques françaises et de plaidoyer pour une Europe pacifiée. Un auteur qui donne le goût de se demander ce qu'il peut avoir encore à nous dire, après un siècle, ou à peu près, dans une France qui a tellement changé depuis son époque. Pendant plusieurs décennies, l'étoile de Thibaudet a pu paraître pâlir. Mais voici que depuis une vingtaine d'années, sa mémoire retrouve du lustre, selon une actualité parfois inattendue. Ses livres touchent un nouveau public. On a réédité avec succès en 2007 l'ensemble de ses écrits politiques regroupés par Antoine Compagnon dans la prestigieuse collection Bouquins. Et mon invité de ce matin, Michel Lemary, historien et littéraire, a donné au même moment une biographie qui fait autorité, qui a été récemment republiée. Il va nous aider à faire ressurgir, quitte à les rajeunir, bien des formulations qui furent celles de Thibaudet. Paris contre la province, l'opposition entre héritier et boursier, les effets de génération en politique, ou encore, j'en passe, cette République des professeurs qui a fourni son titre au plus fameux de ses ouvrages. Ce bourguignon massif, sanguin, à la lente démarche paysanne, ami de la bonne chair arrosée de creux authentiques, à la fois abondant mangeur et délicat dégustateur, était doué de l'esprit le plus agile et le plus fin, le plus avide de connaissances, puisées aux meilleures sources et sans cesse augmentées et vérifiées. Ses maîtres, ses amis et ses pairs, comme Bergson, Valéry et Alain, purent prétendre avec raison qu'il savait tout, que sa mémoire, comme un grand fleuve, entraînait tout, déposant en ses profondeurs les alluvions qui ressurgissaient au moment précis, baignant les rives les plus arides et les fertilisant. Un boulique lecteur, aux poches toujours gonflées de journaux, de brochures, de revues, de livres. Même pour traiter un sujet secondaire, il s'enfonçait peu à peu dans l'histoire, la géographie, quelquefois dans la politique dont il étudiait les répercussions, rapprochant tel fait, telle situation d'une comédie ou d'une tragédie, dont un passage entier qu'il savait par cœur lui revenait à point nommé. Il replongeait une œuvre dans l'atmosphère de l'époque où elle était née. Il en supputait les prolongements en la situant et en quelque sorte en la recréant pour mieux la faire comprendre, surtout pour mieux la faire aimer. L'ayant abordée avec sympathie, il se mettait à la place de l'auteur et, parce qu'il y trouvait noir sur blanc, tentait de surprendre les démarches successives d'un autre esprit dans l'acte chaleureux, l'acte vital de la création. Par souci d'équité, dans une manière de dialogue contradictoire interne, il jonglait avec les pensées pour et contre, il les étendait aux sujets voisins et même contraires dans un balancement continu, comme par peur d'oublier une subtile nuance tapie au fond de quelques sinueux paragraphes. En tout, partout, avec la dilection du gourmet qu'il était, il recherchait la saveur initiale, l'essence originelle, le charme intact de la première ferveur. Puis, ayant fait le point, comme on dit aujourd'hui, il s'élevait du particulier au général, il tendait toujours à l'universel. À la joie suprême de savoir, il avait tout abandonné, on ne peut pas dire tout sacrifié, puisque c'était dans le savoir qu'il s'épanouissait complètement. Il avait refusé de se marier. On ignorait cette liaison féminine s'il en fut d'éphémère ou de durable. Il assurait, on ne peut servir de maîtresse à la fois la littérature et une autre. Cependant, en esprit, il épousait toutes les formes d'expression dans une vaste et profonde communion avec quiconque avait jalonné d'œuvres valables le tâtonnant cheminement de la pensée universelle. L'ensemble de ses propos prouve qu'il tendait davantage à expliquer qu'à critiquer, n'ayant de parti pris pour aucun genre, ne croyant qu'à la supériorité du talent au service du savoir dans tous les genres, et non à celle de tel genre sur tel autre. Il jugeait, certes, mais avec mesure, dans la sérénité supérieure du connaisseur qui admet tout, pourvu qu'il y décèle une qualité. Jamais véhément, pas même tranchant, il affirmait, après avoir tout évalué à la double mesure du goût et de la raison, pas d'autre dogme que ceux des valeurs vraies dans tous les dogmes. Michel Lemary, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Je vous ai proposé un portrait d'Albert Thibaudet en pied que nous devons à Gabriel Royard. C'était un écrivain et un journaliste français, un peu plus jeune qu'Albert Thibaudet, mais qu'il a bien connu. C'est un extrait de l'Heure de culture française, 18 avril 1961. Vous le retrouvez là, votre cher Thibaudet? Je retrouve à la fois dans sa diversité et dans son unité. Et c'est bien l'image qu'il donnait aux contemporains. Et c'est l'image qu'on peut avoir de lui et que l'on retrouve de lui à travers ses livres, et bien sûr, mais aussi à travers ses très nombreux articles. Vous avez choisi de sous-titrer votre belle biographie du personnage « L'outsider du dedans ». Expliquez-nous ça. « L'outsider du dedans », c'est une expression que Paul Ricoeur utilise pour qualifier Michel de Certeau. En effet, elle s'applique bien à Thibaudet. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Thibaudet est à la fois central, central comme critique littéraire, central comme critique politique, mais c'est un marginal. C'est un marginal dans la vie, c'est un héritier, mais c'est un héritier qui vit comme un boursier, c'est un bohème, c'est quelqu'un qui est plein de fantaisie, plein d'humour, les nombreuses anecdotes le montrent, mais c'est quelqu'un aussi qui est profond. Et il occupe des fonctions éminentes, c'est le critique littéraire de la Nouvelle Revue Française. La NRF, ce groupe si fécond avec Gide, Schlumberger... Exactement. Et Paulhan bientôt. Et puis, c'est un critique qui devient central, effectivement, aussi, dès lors qu'il s'occupe plus précisément de politique. Donc, voilà pourquoi c'est l'outsider tout dedans. Ruyard le présente comme provincial. On avait le droit à l'époque d'employer le mot province, et nous l'autoriserons par conséquent. Et ce mot parcourt l'œuvre de Thibaudet. C'est d'abord un bourguignon, qui tient d'ailleurs à le marquer, qui tient avec son accent, avec son comportement, à affirmer qu'il n'est jamais tout à fait parisien. Non seulement il n'est pas parisien, mais il est originaire, et bien originaire. C'est un bourguignon assez placide, dit-il dans un de ses autoportraits, qui est né à Tournu. Et Tournu, à cet égard, importe. D'abord, Tournu importe parce que c'est un milieu familial. Le père est radical, la mère est catholique. Un cadre du Parti radical. Il a été maire, d'ailleurs, de Tournus. Et par son père, il connaît un certain nombre d'élus du Parti radical, notamment de la Saône-et-Loire, qui est la métropole du radicalisme. C'est aussi un milieu, Tournu est aussi un milieu intéressant pour sa situation. C'est en France le lieu où les tuiles plates sont au nord et les tuiles rondes au sud. Donc Thibaudet est tourné vers le nord comme sa ville et vers le sud également. Oui, il écrit quelque part à Tournus, la religion du bas de l'Aisne était rigoriste et janséniste. À Cluny, c'est-à-dire voilà, au sud, tout se passait avec la facilité, le confort et l'agrément du style jésuite. Et on trouve là précisément le dualisme qu'il y a chez Thibaudet, qui lui permet d'établir un certain nombre de comparaisons, de différences sur lesquelles on reviendra. Les toits d'une part et des religions d'autre part. Les religions, oui. Et Tournus, c'est aussi le lieu de la fameuse abbaye Saint-Philibert, magnifique. L'abbatiale Saint-Philibert, il habite à deux pas de l'abbaye qui est si belle. Tout est là concentré, le radicalisme, une tradition voilà, chrétienne. Et puis, il a deux autres pôles qu'il ne cessera d'ailleurs de fréquenter. C'est bien évidemment Paris, parce que la littérature est à Paris, d'une part. Et d'autre part, Genève, parce qu'il y va enseigner à partir de 1924. Et parce que, bien évidemment, Genève, c'est la Société des Nations. Il y enseigne parce qu'il a fait des études un peu classiques du provincial qui monte à Paris. Il a été à Louis le Grand, il a essayé l'agrégation de philosophie, il a été régé de grammaire. Et il devient un professeur ensuite, un peu ambulant. Nous étions deux boursiers, a dit un jour Alain. En fait, c'était plutôt un héritier d'une petite ou moyenne bourgeoisie. Tout à fait. Il suit effectivement d'abord le cursus classique, c'est-à-dire qu'il est latiniste, il est helléniste, il est ouvert aux littératures étrangères, il parle un certain nombre de langues, et il présente cette caractéristique d'être non seulement un lettré, et dira-t-il un lecteur, c'est un grand lecteur. Il a été philosophe, il a été élève de Bergson d'ailleurs, il entretient avec lui une correspondance régulière, et il est, dans des premières années, bi-admissible à l'agrégation de philosophie. Mais comme il n'est que bi-admissible, il décide de passer l'agrégation d'histoire. Et il est agrégé d'histoire en 1904. J'espère que vous ne faites pas une hiérarchie, Michel Desmarais, entre l'agrégation d'histoire et l'agrégation de philosophie. Non, il n'y a point d'envie d'ailleurs. Il faut être, en l'occurrence, raisonnable et être aussi peu envieux que l'était lui-même Thibaudet. Il devient professeur. Et écoutez ce témoignage d'André Beuclerc, qui était un brillant résistant, qui était un écrivain et un journaliste, qui donne ses souvenirs de Thibaudet professeur au lycée de Besançon. Il surgit assez bien, je trouve, dans cette archive. C'est au lycée de Besançon où j'ai eu comme professeur d'histoire et de géographie Albert Thibaudet, qui a été le professeur le plus doux, le plus éblouissant et le plus, comment dirais-je, le plus riche que j'ai jamais rencontré. Thibaudet avait une telle présence, une telle culture, une telle façon de nous intéresser à ce qu'il disait que nous étions arrivés à ne pas le chahuter. Et Dieu sait qu'il y avait au lycée de Besançon une fameuse équipe de chahuteurs, surtout parmi les internes. Eh bien, nous avons essayé avec Albert Thibaudet de créer le chahut traditionnel que connaissent tous les internes. Thibaudet a cru qu'il se trouvait en présence d'un phénomène atmosphérique nouveau, que ça ne venait pas des élèves, que quelque chose s'était produit dans la ville, dans le chef-lieu, en relation peut-être avec le sous-sol géologique du Doubs, qui est très célèbre, les grottes. Il ne croyait pas au chahut. Et alors, comme notre fantaisie, n'est-ce pas, notre désir d'étonner, parce qu'au fond, dans le chahut, c'est toujours un désir d'étonner, mêlé à un peu de cruauté à l'égard du maître, comme nous avons vu qu'il ne réussissait pas, nous avons renoncé et nous avons décidé que nous écouterions Thibaudet. Or, Thibaudet avait une façon de parler de Wallenstein, de Struensee, de Cromwell, ou de l'Antiquité grecque et romaine, et de passer tout d'un coup, sans aucune transition, à des musiciens, à des peintres, même modernes, qui étaient enveloppantes comme de la musique. Et nous avons décidé de l'écouter. Or, Thibaudet était déjà critique littéraire à la Nouvelle Revue Française, à cette époque-là, c'est-à-dire en 12 et 13, et il apportait sur son petit bureau les services de presse qu'il recevait de Paris et qui étaient signés Paul Valéry ou Paul Claudel. Et un jour, il nous a lu des extraits d'un livre qu'il avait reçu en 1912 qui avait eu une voix au prix Goncourt parce qu'il avait été distingué par Jules Renard l'année auparavant, Jules Renard étant mort en 1910. Cet ouvrage s'appelait « Provincial » et son auteur était Jean Giraudoux. Il nous en a lu des extraits. Je crois même bien qu'il l'a prêté à quelques amateurs, à quelques curieux. Nous avons été tous saisis par la façon nouvelle dont Giraudoux, qui aimait beaucoup les lycées, qui avait par conséquent des correspondances avec nous, tous saisis par cette façon d'écrire et d'être sensible, toute nouvelle. Voilà Thibaudet triomphant du chahut grâce à son autorité, une autorité qui s'enracine dans sa situation déjà de critique littéraire, puisqu'il a été accueilli dans ces années-là par la NRF. Gide dit à ce moment-là, je crois qu'il mérite d'être attiré par nous en octobre 1909. Tout à fait, mais il faut d'abord peut-être revenir à l'enseignant lui-même qu'il était. Parce que dans la suite de ce témoignage d'André Beuclair, on voit deux choses. La première, c'est que, comme le disait Bergson, Thibaudet connaissait spécialement tout. Mais il était aussi capable de passer d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire que ses cours et ses témoignages d'inspection que j'ai retrouvés en témoignent. Il était capable de traiter aussi bien de littérature, de philosophie, d'histoire, de géographie, de musique. Et ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, c'est que Thibaudet, lorsqu'il avait fait un cours qui avait plu à ses élèves, lesquels élèves chaluteurs lui redemandaient de faire le cours. Et un des témoignages précise que un jour il avait fait un très beau portrait de Mazarin et les élèves lui ont demandé de recommencer trois fois le même cours. C'est peut-être le lieu de citer un autoportrait fameux qu'il donne dans un de ses livres ultérieurs, les Princes Lorrains, et qui rejoint assez bien le regard du jeune Beuclair. C'était, il parle de lui-même, c'était un bourguignon assez placide, un peu malicieux, d'allure vulgaire, vous voyez l'autodérision, critique littéraire de profession, qui circulait dans les vignes avec la bonne conscience et l'épicurisme actif d'un vigneron entre ses ceps, d'un dégustateur à tasse d'argent entre les tonneaux. D'assez saine réputation, fécond en point de vue qui se coupait et s'enchevêtrait comme les layons forestiers, il lui manquait cette part du goût qui est la netteté dans le choix, ce vouloir qui juge, décide, exclut. Autoportrait, Michel Lémarie, qui vous paraît, outre la capacité d'humour et de distance par rapport à lui-même, qui vous paraît sonner juste? Oui, tout à fait, parce que Thibaudet est un homme solitaire, réservé, qui vit dans son monde, dans les humanités en général. D'ailleurs, il est et restera célibataire. C'est un homme aussi qui est un gourmet, J'ai recueilli l'inventaire après décès de Thibaudet, et dans cet inventaire après décès, il y a non seulement un nombre de livres qui est incalculable, mais il avait 500 bouteilles de vin blanc et, si je me souviens bien, 175 bouteilles de vin rouge. Je suis sûr que votre mémoire est fidèle. Ce que je voudrais que l'on comprenne bien, c'est comment il est progressivement passé de la fonction importante de critique littéraire, très reconnue, naviguant entre les œuvres de la façon qu'il dit lui-même, comment il en est venu à ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans cette émission, comment il en est venu à s'intéresser à la politique. Un des aspects originaux du personnage de Thibaudet, c'est précisément qu'il vient par la littérature à l'analyse, et assez tard, en somme, l'analyse politique. Oui, tout à fait. Il écrit d'abord dans des petites revues, et donc ses premières critiques, ce sont des critiques effectivement sur ce sont des livres, et il écrit, j'ai fait de la critique par hasard. Donc il est aspiré, attiré par la Nouvelle Revue Française, où il donne son article mensuel sur le ton de la conversation, et en ayant déjà ce qui sera sa marque, c'est-à-dire à la fois un grand savoir, une critique acérée et qui utilise aussi bien des comparaisons savantes que des comparaisons familières, même triviales quelquefois. Alors il y a l'expérience de la guerre qui est très importante dans cette mutation, cette évolution de sa tâche comme critique littéraire vers celle d'analyste politique, même s'il n'a jamais cessé évidemment de rendre compte des ouvrages. Alors Thibaudet, oui, Thibaudet appartient en 1914 à ce parti des hommes de 40 ans dont parlait Charles Péguy. Il est mobilisé, mais comme il a 40 ans, il est mobilisé dans la territoriale. À l'âge même de Péguy qui est tué dans les premiers mois de la guerre. Péguy va au feu, Thibaudet n'ira jamais au feu. Et il se définira d'ailleurs comme un civil mal mobilisé, avec cette caractéristique que Thibaudet est pacifique sans être pacifiste. Et on le voit bien parce qu'il y a, entre autres, documents qui ont été communiqués par la Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournu. Saluons ces sociétés savantes, elles sont si importantes dans le tissu intellectuel de nos régions. Tout à fait, et elle a invité, lors d'un de ses colloques importants en 1986, René Raymond et François Goguel. Et c'est important parce que cela a permis la relance, finalement, des études et de la diffusion des œuvres de Thibaudet et la faire connaître, bien évidemment, à des générations qui ne l'avaient pas connu. Même René Raymond, il le dit, il le redit, et il a eu l'occasion de rendre hommage à cette grande figure. Et d'expliquer que ses propres études, notamment son fameux livre sur les trois droites, était assez largement dans la ligne de l'œuvre de Thibaudet. Mais avant de venir à ses travaux sur les idées politiques si importantes, un mot, si vous le voulez bien, Michel Lémarie, sur le rôle de la guerre. Il a fait un petit livre qui s'appelle « Panurge à la guerre ». « Panurge à la guerre », qui a d'ailleurs été censuré parce qu'il a été publié en 1940, parties sont censurées. Il a fait surtout, sur la guerre, un grand livre qui s'appelle « La campagne avec Thucydide », grand livre dont Jacqueline de Romilly, grande spécialiste de Thucydide, amoureuse de Thucydide, a choisi de mettre, en quelque sorte, en vaste préface à sa propre édition de « La guerre du Péloponnèse » de Thucydide, le beau texte de Thibaudet qui s'appelle « La campagne avec Thucydide ». Et c'est un ouvrage passionnant, car c'est l'histoire croisée des deux guerres, la guerre du Péloponnèse et la guerre de 14-18. Ben voilà une concordance des temps où je ne m'y connais pas. Exactement, et Thibaudet est tout à fait dans ce sens, parce qu'il montre, par exemple, que c'est une affaire mineure, l'affaire de Corcyre, n'entrons pas dans les détails. Oui, c'est une question de géopolitique aussi. C'est une question de géopolitique. Entre Sparte et Athènes. C'est une question aussi qui met en évidence ce qui relève à la fois des forces profondes qui mettent en face à face Sparte, leurs alliés, Athènes, les alliés. Certains actuellement ont comparé avec la situation d'opposition entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Mais bien sûr. Il y a un élément également très important chez Thibaudet que l'on peut tirer vers le contemporain. Nous avions fait une émission à ce sujet. Sur la thalassocratie. C'est la thalassocratie, c'est le pays qui tient la mer, qui finit par l'emporter. Et à la fin de ce livre, La campagne avec Thucydide, après l'épuisement des partis déjà en présence sur le théâtre européen, Thibaudet écrit que les grenouilles de l'Europe ont été sauvées par les grands crabes d'outre-mer. Alors donc la guerre est essentielle, et c'est après la guerre que notre Thibaudet commence d'écrire à partir de toute sa culture littéraire sur l'évolution politique. Écoutez donc cette citation, ce texte de lui-même à propos de l'affaire Dreyfus et des rapports déjà entre Paris et la province. C'est une archive tirée de Une vie, une œuvre qui avait été consacrée à Thibaudet par Roland Auguet sur France Culture le 4 décembre 1986. Si l'affaire Dreyfus est devenue dans la vie politique française une coupure analogue à celle de la Grande Guerre dans la vie politique de l'Europe, elle renouvela notre personnel politique, ce que ne fit pas la Grande Guerre, c'est qu'elle passa du plan brillant, rapide et passager de Paris au plan profond de la province tenace. À Paris, les révolutions de l'intelligence ne se comptent plus, et politiquement, elles ne comptent plus. Elles ne comptent plus depuis qu'une armée de ruraux, en 1871, a écrasé la commune et que Paris est réduit dans la vie politique de la France à 1/83e d'influence selon le vœu des Girondins. Dès lors, le bois politique se trouvant éloigné du foyer d'incendie, les révolutions de l'intelligence restent idéologiques et littéraires, se consument en feu de paille. À une époque où la presse était bridée, les journalistes parisiens ont pu faire les révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. De 1880 à aujourd'hui, avec une presse absolument libre, l'intransigeant, la libre parole et l'action française, le même accident relayé de la topographie parisienne n'ont fait descendre dans la rue que du papier. Les vraies révolutions sont les révolutions de la province. Deux aspects essentiels dans cette citation, me semble-t-il, la volonté de replacer l'actualité dans la longue durée, bien sûr, et aussi cette opposition entre Paris et la province qui est au cœur de toute la réflexion de Thibaudet. Il écrit quelque part « La France, c'est un pays où la littérature s'appelle Paris, exclusivement Paris, et où la politique s'appelle la province, rien que la province. On ne gouverne pas contre Lyon et contre Toulouse. On ne gouverne pas aujourd'hui contre la Dépêche. » Entendez, la Dépêche de Toulouse, bien fameuse et radicale. Alors c'est effectivement un point important, parce que la Troisième République, c'est la province. Thibaudet ne cesse de marteler cette idée sous différentes formes, à la fois dans ses livres et dans ses articles. Et l'importance politique de la province, elle est marquée par une de ces images, une de ces métaphores qu'il aime beaucoup utiliser. Il va classer les présidents de la République en fonction de leurs chaussures. Et donc, il voit les escarpins vernis de tel ou tel, n'entrons pas dans les détails, et puis les souliers solides et presque des godillots de ces provinciaux qui viennent à Paris, et il les voit notamment dans le jardin du Luxembourg, et c'est dans le jardin du Luxembourg, le Sénat, que se retrouvent précisément des hommes politiques qui sont venus de la province. Si, on peut s'y attarder un instant, puisqu'il observe, ce qui est assez pertinent, que les trois présidents de la République qui n'ont pas terminé leur mandat étaient des Parisiens, et que leurs chaussures, justement, n'étaient pas enfoncées dans la glèbe. C'est-à-dire Jean-Casimir Perrier, qui a été très bref, grande famille industrielle, même s'il était d'origine de l'Isère, c'est-à-dire également Paul Deschanel, et le troisième, Alexandre Millerand, qui lui-même a vu son mandat abrégé au moment du succès du cartel des gauches en 1924. Mais il cite symétriquement, en quelque sorte, des gens comme Grévy, comme Doumergue, Loubet, Falière, Poincaré, l'homme de la Meuse. L'homme de la Meuse et l'homme des Marches de l'Est, l'autre prince lorrain. Cette idée que Paris est la capitale de la France, mais que Lyon serait la capitale de la province. C'est aussi un autre de ses propos fameux. C'est à Paris que se faisaient les révolutions jusqu'en 30, en 48. Ça n'a pas été le cas avec la Commune qui a échoué. Oui. À partir de là, tout a changé en politique. À partir de là, tout a changé en politique, mais en gros, il y a une période qui, Thibaudet le montre bien, va jusqu'au 6 février 34. Et à ce moment-là, Paris reprend un rôle politique qu'il avait perdu depuis longtemps. Il n'a pas eu beaucoup de temps, Thibaudet, pour l'observer, puisqu'il meurt prématurément à 62 ans, juste avant le succès du Front populaire de 1936. Oui, mais après la remilitarisation de la Rhénanie, ce qui était interdit par le traité de Versailles, et ce qui était source d'inquiétude, bien évidemment, pour lui, quant à au devenir de l'Europe. Quand on réfléchit à ce qu'il dit sur les relations entre Paris et la province, il faut évidemment observer qu'à la différence d'aujourd'hui, la France reste profondément paysanne et que le radicalisme des petits propriétaires et des paysans, c'est une donnée fondamentale de la vie politique du moment à laquelle il a attaché beaucoup d'importance. Oui, le radicalisme, c'est non seulement une idée, bien évidemment, un certain nombre de thèmes, notamment la séparation et surtout également l'école, mais c'est aussi la façon dont le parti radical et le radicalisme est porteur de tous des intérêts, les intérêts des petits propriétaires, des petits commerçants et des petits en général, contre les gros. Sur les radicaux, il a eu des paroles à la fois lucides et un peu ironiques, puisqu'il disait qu'ils offraient très volontiers à leurs alliés d'extrême gauche la perspective de la révolution à terme, mais à leurs collègues modérés la tranquillité au comptant. Oui. C'est une de ces belles expressions. La question qui se pose aussi, et que pose Thibaudet, c'est quelle est la doctrine, quelle est la culture politique du radicalisme. Oui, il s'est moqué d'Alain qui un jour avait publié, on avait regroupé des propos sous le nom « éléments d'une doctrine radicale ». On avait même raconté qu'on avait déposé en Conseil des ministres les ouvrages devant les différents membres du gouvernement radicaux, et que l'un d'entre eux avait dit ironiquement « Tiens, nous avons une doctrine, je ne savais pas. Oui. » Mais avançons. Avançons. Ce qui est certain, c'est que le radical, donc interprète du français moyen, défend l'école, la laïcité, l'école unique, mais que peu à peu, il s'est trouvé bien dépourvu quand il y a eu lieu la séparation des églises et de l'État, qui était un objectif qu'il a atteint. Une fois cet objectif atteint, commence en quelque sorte un sommeil du parti radical, sommeil qui commence véritablement à partir de mai 24, quand le cartel des gauches arrive au pouvoir. Hériot, président du Conseil. Hériot, oui. Et c'est effectivement un relatif échec. Les socialistes soutiennent sans participer au gouvernement. On a souvent évoqué, à bon escient, me semble-t-il, la thèse de Thibaudet qui dirait que la politique est sinistrogyre. Je voudrais que vous nous expliquiez ça. Eh bien, c'est-à-dire que, selon Thibaudet, il y a une sorte de marche à gauche dans la vie politique française. L'idée est aussi que les partis qui étaient à gauche ont tendance à glisser vers le centre et vers le centre droit. Il y a d'une part les partis qui glissent vers le centre droit, et puis d'autre part, il y a un surgissement de partis politiques. Par exemple, les socialistes naissent à gauche du parti radical, et les communistes, dont ils parlent peu d'ailleurs, naissent à gauche du parti radical et du parti socialiste. On pourrait d'ailleurs prolonger cette intuition, cette analyse de Thibaudet, avec d'autres partis qui naissent à la gauche de la gauche de la gauche. À une époque d'ailleurs où personne ne se revendique de droite, on l'a oublié. C'est un autre constat que fait Thibaudet, et c'est la fameuse image des petits pois. Quand un marchand vend des petits pois, il ne vend jamais de petits pois gros. Il vend des petits pois fins, mi-fins. Mais un parti politique ne va jamais se dire de droite explicitement. Jamais il ne se dira qu'il défend les intérêts des gros. À l'époque. Là aussi, c'est une discordance peut-être que l'on pourrait trouver par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une droite qui se donne comme telle, Et pour prolonger Thibaudet, c'est que à l'intérieur même d'un certain nombre de partis qui se classeraient plutôt à droite, ils éprouvent le besoin de mettre des rallonges, par exemple gaulliste de gauche, hein, ou le parti majoritaire actuel, il a en son sein une aile social-démocrate. Donc on a un mouvement un peu contraire là de ce que notait Thibaudet. Des temps, Jean-Noël Jeanneney. C'est là qu'on en vient à l'analyse des idées politiques qui est au cœur de l'œuvre de Thibaudet. Il a publié un livre sous ce titre. Il analyse ce qu'on appellerait aujourd'hui les cultures politiques du pays. Il en détermine 6 différentes. Je voudrais que nous évoquions cela à partir d'un socle qui est le suivant. Il pense que il ne faut pas expliquer la vie politique à partir des exclusivement en tout cas à partir de l'infrastructure des données matérielles ou sociales, et que les idées politiques, et c'est très actuel du point de vue de l'historiographie, les idées politiques ont leur propre autonomie. Oui. Et il y a 2 citations qui sont restées fameuses et qui résument cela. La première citation, elle est tirée de La République des professeurs, c'est « autonomie de politique ». Et puis, il y a la première phrase des idées politiques de la France, « la politique, ce sont des idées ». Quelles sont ces idées politiques? Il distingue 6 familles, en fait. Le traditionnalisme, le libéralisme, l'industrialisme, c'est un peu Saint-Simon. Saint-Simon, oui. Le catholicisme social, le radicalisme et le socialisme. Dans ces familles politiques, il y en a 2 qui l'intéressent particulièrement. Plus particulièrement, il ne néglige pas pour autant les autres, mais ce sont les traditionalistes, d'une part, avec notamment Barrès et Maurras, et puis les radicaux, car les radicaux constituent le corps central de la vie politique sous la Troisième République. Oui, il y a aussi le libéralisme. Il dit à ce propos cette phrase qui reste probablement assez vraie, l'économiste politique de droite est un économiste. L'économiste politique de gauche est un politique. Superbe formule. Là, c'est une concordance des temps quand on entend quelquefois des journalistes aujourd'hui se définir comme étant économiste et seulement économiste. Mais alors, le traditionnalisme, Barrès, il évoque sa mort un peu antérieure au cartel des gauches. Il se demande d'ailleurs ce que Barrès en aurait pensé compte tenu de l'évolution du personnage. Vous avez écrit sur Barrès, Michel Lémarie. Nous avions même fait une émission à propos de lui il y a quelque temps. Écoutez la manière dont Thibaudet raconte la mort de Barrès en 23. C'est une archive diffusée dans l'émission « Maurice Barrès et son temps » de Jean Duché sur la radiodiffusion française le 2 décembre 1948. Un grand bourgeois, et mieux, un prince bourgeois. Chacun était frappé de la ressemblance de son profil avec celui du vrai grand selon la race, le grand Condé. Et il avait la coquetterie d'en exposer le portrait dans son cabinet. Mais ce Barrès mort, devant lequel jeudi et vendredi a défilé non tout Paris, mais le tout Paris, c'est un autre profil de mort qu'il m'évoque avec une insistance tragique. Au Caire, celui d'un pharaon sous sa vitrine. Voilà ce même nez, le nez des fiers qui naquirent sous le signe de l'aigle, cet air hautain, impersonnel, de l'être entré du devenir dans le devenu. ce royaume sombre des tons à la Ribera et à la Rembrandt, cette foule vivante et bourdonnante, pressée pour regarder ce qui ne la regarde pas, pour penser l'impensable rideau des yeux fermés. Barrès est très important pour Thibaudet. Thibaudet a lu Barrès dès la publication des livres du romancier. Et il le suit, il admire le styliste, il admire l'homme de Catens, superbe, mais il critique par rapport à ses conceptions, par rapport notamment à son nationalisme. Hein. Il déplore aussi que la sensibilité nationale qu'exprime Barrès se transforme, se cristallise en doctrine nationaliste. Et c'est un autre point d'ailleurs de Thibaudet, c'est-à-dire que Thibaudet est patriote, on l'a vu pacifiste, mais il est nullement attaché, bien évidemment, au nationalisme. Et puis cela conduit à la fameuse opposition entre les boursiers et les héritiers que nous évoquions tout à l'heure à propos des études de Thibaudet, les déracinés de Barrès à la fin du XIXe siècle, si fameux, qui opposent effectivement aux héritiers celui qui a émergé avec la méritocratie républicaine, on ne disait pas encore ascenseur social, c'est-à-dire Bouteiller, qui est en fait la transposition romanesque de Burdeau. Son professeur de philosophie qu'il a eu en classe de philosophie et qui est devenu un député opportuniste. Thibaudet dit en toutes lettres que son opposition, et sa fameuse opposition entre héritiers et boursiers, vient précisément du livre Les Déracinés. Et au fond, cette opposition conduit très, très directement à ce livre qui est peut-être le plus fameux de Thibaudet, qui s'appelle La République des professeurs, et qui est précisément construit sur une analyse du cartel des gauches, lorsqu'arrive un certain nombre de normaliens au pouvoir. Herriot, président du Conseil, Blum, qui, sans être au gouvernement avec les socialistes, apporte son soutien, Pinlevé, le grand mathématicien, etc. La République des professeurs. À ce moment-là, Thibaudet est à Londres par hasard pour une conférence, et il est frappé par le propos de l'ambassadeur Saint-Aulaire, qui est un représentant de la très vieille tradition diplomatique, très à droite, qui va d'ailleurs être déplacé par le cartel des gauches, et qui dit, voilà l'école de droit et l'école de sciences politiques qui cèdent la place à l'école normale. Cette expression, effectivement, a fait fortune, mais elle est pas tout à fait exacte. D'abord parce que les trois personnages qui arrivent au pouvoir... Il y a aussi Émile Borel, le mathématicien. Bien sûr. ...sont des universitaires, des professeurs in partibus. Voilà longtemps qu'ils ont quitté, par exemple, le Conseil d'État, pour ce qui concerne Léon Blum. Mais en fait, ce que Thibaudet démontre, et là on est au cœur de la question des héritiers des boursiers, c'est que derrière ces professeurs, il y a tout un ensemble d'instituteurs, de professeurs, de lycées et collèges qui ont été à l'origine de la victoire du cartel des gauches. D'ailleurs, on a beaucoup évoqué en 1981, au moment de la majorité de gauche socialiste, le fait que la majorité des nouveaux députés étaient des enseignants. Alors, je suis allé voir les chiffres précisément. La Chambre de 1924 compte seulement moins de 10% du total des députés élus. Qui sont des enseignants. Les avocats continuent à prédominer. Exactement, la République des avocats demeure, ou plus généralement la République des juristes, 27,74%. Même chose en 1936. La Chambre de 36 compte 77 enseignants sur un total de 626 élus, c'est-à-dire moins de 20%. Et les juristes demeurent le groupe le professionnel le plus important au Palais Bourbon. Donc finalement, la République des avocats perdure. Et d'ailleurs, Thibaudet, au-delà de sa formule, et on trouve bien là sa manière, dit que la République a une armature d'avocats. Voilà. Alors, en 81, un tiers des élus sont des enseignants. Enseignants qui appartiennent à différentes catégories. Oui, tout ça est vrai statistiquement. Et néanmoins, il y a une apparence. Il y a un regard jeté par le monde politique sur lui-même et par la France sur ce personnel parlementaire qui donne le sentiment que ce titre, la République des professeurs, n'est pas illégitime. D'abord, ça affirme la politique comme pédagogie. Ça fait surgir aussi la figure disparue mais fondamentale de Jean Jaurès. Bien sûr. Qui est le grand pédagogue de la gauche, et dont d'ailleurs le cartel des gauches installe les cendres au Panthéon. Il y a vraiment une mutation à cet égard, alors que les avocats étaient essentiels. Il y a très peu de hauts fonctionnaires à l'époque. Il n'y a pas d'énarchie. On relève seulement, par exemple, deux inspecteurs des finances d'avant 40 qui sont ministres, Pietri et Joseph Caillaux. D'où cette formule de République des professeurs qui a fait mouche. Et si elle a fait mouche, c'est bien parce qu'elle correspondait au sentiment qui était celui d'une grande partie de l'opinion, favorable ou pas. Oui, c'est-à-dire que c'est l'arrivée de ces enseignants qui sont précisément l'armature de la République, les cadres, les interprètes du français moyen, et qui sont regroupés dans des comités ou dans des sociétés de pensée et qui poussent en quelque sorte cette majorité, majorité d'ailleurs assez peu importante. Pourtant assez peu différente, puis on le sait bien, en 24 et en 36. Thibaudet lui-même, il faut le dire, penche plutôt de ce côté-là, tout en étant toujours suffisamment distancié par rapport à la politique pour enraciner ses analyses dans des convictions trop partisanes. Écoutez donc cette citation de la République des professeurs sur le gouvernement de 24 et son propre rapport aux élections, qui éclaire assez bien sa personnalité. Il se définit lui-même comme un libéral indépendant et impénitent, un esprit sans pente. Mais enfin, s'il avait une pente, c'est tout de même la direction, disons, des centres ou du centre-gauche qui se définirait. Vous allez le voir dans cette citation qui est à nouveau extrait de l'émission « Une vie, une œuvre » du 4 décembre 1986. Pour l'Angleterre sous le gouvernement des avocats, dans le genre Poincaré, j'en revenais sous le gouvernement des professeurs à la Herio, devant Monsieur de Saint-Aulaire, j'avais cru devoir réserver mon pronostic. Électoralement, je n'étais pour rien dans ce changement, car, obligé de me trouver à Londres le dimanche soir pour parler le lendemain, il m'avait été impossible de voter en Bourgogne, où je suis inscrit. Je dois vous dire, cependant, que bien que peu fanatique de la politique intérieure du cartel des gauches, j'eusse certainement voté pour lui parce que c'était la seule manière de sortir du cauchemar rhénan. Ce dimanche, en allant prendre mon train à la gare du Nord, j'avais vu sur le boulevard de Strasbourg les panneaux où s'étalaient les affiches du parti nationaliste, aile marchande du bloc national, avec cette profession de foi, aide apportée aux séparatistes rhénans. Je reconnaissais la dangereuse chimère barésienne du génie du Rhin, et l'ayant combattu par le livre au cahier vert, je l'eusse combattu par le bulletin de vote. J'eusse ainsi couru au plus pressé. Malheureusement, le cartel des gauches levait pour programme plus net encore l'application des lois laïques en Alsace et en Lorraine, ce qui signifiait, non pour le cartel, mais pour le lecteur éclairé, aide apportée aux séparatistes alsaciens, lesquels en ont depuis, comme vous savez, largement profité. Vous voyez comme tout cela est compliqué. Je finis par comprendre Daniel Alévi qui a tout simplement renoncé à voter. Je n'en suis pas là. Mais à d'autres moments, il m'est arrivé d'aller à la mairie pour voter, comme Triple Patte y allait pour se marier, avec les trois bulletins dans la main, du réactionnaire au socialiste, et jusqu'au dernier moment, ne pouvant me décider pour l'un ou pour l'autre. On peut rappeler que Triple Patte est une pièce qui avait du succès à l'époque, une pièce de Tristan Bernard. C'est un jeune homme pauvre qui hésite sur la jeune femme qu'il va épouser et dont l'essentiel est qu'elle sera riche. Mais il faut que vous nous rappeliez les relations à l'époque entre politique étrangère et politique intérieure. Cela aussi peut faire écho aujourd'hui. Oui, en rappelant que la République des professeurs donc raconte, rapporte, analyse l'histoire du cartel des gauches, son arrivée, son échec, mais aussi qu'il se situe très précisément après l'échec de l'occupation de la rive gauche du Rhin. Prendre un gage, 1er janvier 1923. Le gage productif, Poincaré, qui prend un gage productif. Et cette occupation de la rive gauche du Rhin est un échec. À ce propos, Michel Desmarie, on peut s'arrêter un instant sur la réflexion qui, elle aussi, paraît actuelle dans l'historiographie contemporaine, la notion de génération. Cela vaut en littérature et cela vaut en politique aux yeux de Thibaudet. Oui, tout à fait. Et de même que certaines expressions comme la République des professeurs est associée à Thibaudet, la notion de génération lui est également attachée. La génération, c'est une méthode de classement en fonction d'un événement fondateur. Alors cette génération, Thibaudet l'utilise d'abord en littérature, avant de l'appliquer dans la politique et dans l'histoire politique de la France. C'est un des liens qu'on trouve chez lui entre littérature et politique. Absolument. Et l'on peut ainsi voir combien son œuvre littéraire est traversée par la politique et comment sa politique est nourrie de ses connaissances en matière littéraire, philosophique. Il y a la génération de l'affaire Dreyfus, naturellement. Il y a la génération de la guerre. Il observe que, contrairement à d'autres pays européens, il n'y a pas eu vraiment de renouvellement du personnel politique après les années 20. Les premiers combattants qui accèdent au pouvoir, en fait, c'est le moment de Daladier. Oui. Il parle d'ailleurs, lui aussi, de génération du feu. L'expression est une de ces expressions qui ont fait fortune. On est par là conduit, Michel Lémarie, au dernier chapitre que je voudrais que nous évoquions, c'est-à-dire Thibaudet, puisque nous parlons de Thibaudet et de son actualité, Thibaudet et l'Europe. Il a été un européiste convaincu dans les années 20 et un européiste désabusé dans les années 30. Il n'était pas le seul. Mais cet itinéraire mérite d'être brièvement rappelé. Oui, avant même que Thibaudet ne vienne exercer à l'université de Genève, l'Europe, c'est pour lui une évidence physique, une évidence culturelle. Il a beaucoup voyagé dans toute l'Europe, en Grèce, notamment, qui le requiert principalement, mais également en Égypte, à Jérusalem. Et l'Europe, pour lui, vraiment, est d'une évidence personnelle et culturelle. Bon. C'est une de ses préoccupations, notamment à partir des années 20, et on parlait tout à l'heure de la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française, elle est pour la reprise des échanges intellectuels, culturels, sur la base des cultures nationales. Thibaudet est hanté par la crainte d'une régression, par les nouveaux dangers de guerre, et ce, dès 1919-1920. Nous marchons sur de la lave qui n'est pas encore refroidie, dit-il à Barrès. Il a recours à une image pour montrer comment a été découpée, redécoupée l'Europe. Et il rappelle, notamment dans les Princes Lorrains, que la destruction des traités par l'Allemagne et par la Russie est donnée avec l'être même du traité. Mais il arrive à Genève, 1924. Genève 24, c'est le début, l'âge d'or de la Société des Nations. Et avec le traité de Locarno en 1925, apparaissent les possibilités d'une Europe pluraliste, démocratique. Et c'est là qu'on voit la définition qu'il propose des différents critères qui pourraient définir l'Europe telle qu'il la rêve et qui n'est pas tellement éloignée de propositions qu'on peut voir qu'un cas réémerger aujourd'hui. Je rappelle ces différents critères à ses yeux de l'originalité européenne. L'idée que d'abord, c'est la partie de l'humanité qui vit sous la catégorie de la nation. La nation. Donc c'est l'Europe des nations et non pas l'Europe des régions ou l'Europe d'une intégration. L'idée qu'elle est fondée sur une série de dualismes, par exemple en France l'opposition entre le Nord et le Midi, ou entre une Europe constituée sur le côté celto-germanique ou le côté gréco-latin. Troisième critère, c'est l'idée de la démocratie à défendre. Elle est née là en Europe et tout cela peut être rapproché des définitions, des tentatives de définition d'aujourd'hui. La quatrième caractéristique, c'est l'idée de l'économie capitaliste qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire et qui doit être maîtrisée par l'État parce qu'il y a un risque. Cinquième caractéristique, le primat des techniques. Là, à cet égard, beaucoup de choses ont évolué, comme nous savons, du côté de l'ouest de l'Europe. Et enfin, cela est important, c'est l'idée, c'est très Thibaudet, que l'histoire européenne est fondée sur une connaissance du passé, et que bibliothèques et musées peuvent être, plus que d'autres monuments, des symboles de ce qu'il conviendrait de construire. En somme, si nous concluons cette cavalcade, Michel Lémarie, à travers l'œuvre de Thibaudet... Je voudrais dire qu'il est important de marquer, par exemple, il écrit dans les idées politiques, la dictature est devenue l'état normal de l'Europe et de l'Asie. On y entre en sortant du pont de Kehl et on y demeure jusqu'au Pacifique. Et donc l'Europe a manqué finalement la création, la fondation de cette culture internationale. L'Europe est restée dans les fondrières, écrit-il en 36, peu avant sa mort. Peut-être là peut-on souhaiter qu'il n'y ait pas de rebond trop explicite avec notre actualité. Au terme de ce parcours de la pensée, de la sensibilité de Thibaudet, on a le goût de rappeler qu'il aimait à citer Montaigne. Il va à Sceaux et à Gambade. Est-ce qu'en somme, cela résume bien, Michel Lémarie, la façon de penser, de réfléchir, de contribuer au débat qui sont celles de Thibaudet? Exactement, parce que c'est ainsi qu'il écrit d'ailleurs ses chroniques. Les livres sont structurés et les chroniques elles-mêmes vont à Sceaux et à Gambade, comme l'étaient, semble-t-il, ces cours dont on écoutait tout à l'heure une archive. C'est aussi le charme et la profondeur de Thibaudet, c'est qu'il est capable d'ouvrir des perspectives à la fois dans le temps et dans l'espace. Eh bien, j'espère que nous aurons ensemble, de concert, Michel Lémarie, donné le goût de retourner à cette œuvre, dans sa différence et dans son actualité. On pourra commencer cette exploration à partir de la biographie que vous avez donnée en 2006 et qui a été rééditée par les excellentes CNRS éditions de la collection Biblis, tout récemment. Vous avez édité, avec une préface substantielle, l'histoire de la littérature française, paru en 2007 au même CNRS édition, réédité en 2016. Je voudrais faire un sort à l'édition que vous avez donnée du livre qui s'appelle Socrate, avec un avant-propos que vous resituez la manière dont ce manuscrit a ressurgi. CNRS édition 2008, une curieuse histoire, topique. Oui, en allant à Tournus retrouver des gens de ces sociétés savantes, un soir ils m'ont fait une immense faveur, et réunis, ils m'ont offert, à des fins d'édition, un inédit d'Albert Thibaudet, Socrate, où l'on retrouve tout à la fois la manière, le style, et bien évidemment la profondeur, l'acuité de Thibaudet. J'ajoute enfin qu'on peut regrouper les réflexions sur la politique, ses différents ouvrages et les articles qu'il avait donnés jusqu'à sa mort, la Nouvelle Revue Française, dans la collection Bouquins, une édition présentée et établie par Antoine Compagnon. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, elle est très riche, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, à partir d'un mot du président de la République Emmanuel Macron qui avait frappé, je poserai la question suivante, vous allez comprendre. Les Français sont-ils d'éternels Gaulois? Et j'inviterai pour cela Étienne Bourdon. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, comme chaque semaine, et réalisée, comme chaque semaine, par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, à la discothèque Nathalie Rouvillain et François Merlin, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delavaux. Dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.